Nous quittons Brunswick vers le nord-ouest, à bord de la vieille guimbarde de Claves qui menace de rendre l'âme. Sous des nuages épais, bien entendu, car le soleil ne semble faire que de brèves apparitions sous cette latitude. Halte à Selle, une petite ville à propos de laquelle j'ai lu des choses atroces dans un petit livre sur lequel je suis tombée par hasard chez un bouquiniste de Brunswick. Qu'avais-je besoin de me plonger une fois de plus dans les horreurs sans nom de la Seconde Guerre mondiale? Ce que j'en ai lu toute cette année ne suffisait-il pas? L'Allemagne d'aujourd'hui n'a-t-elle pas, elle, tourné la page? Le 8 avril 1945, un convoi de déportés en provenance du camp de Neuengamme est touché par des bombes américaines dans la gare de marchandises de Selle. Plus de 2000 détenus périssent prisonniers dans leurs wagons. Ceux qui réussissent à s'en extraire et à s'enfuir dans les bois sont pourchassés comme des bêtes sauvages par la faune nazie. Des SS, des membres de la Wehrmacht, des membres des jeunesses hitlériennes, des pompiers et des habitants de la ville. La haine jusqu'au bout alors que la guerre est perdue et que les bombes pleuvent sur l'Allemagne. 200 à 300 déportés sont abattus, 1100 survivants sont acheminés à pied jusqu'au camp de Bergen-Belsen dans une caserne de Selle où des troupes britanniques vont les libérer le 12 avril. J'entends les hurlements, les aboiements des chiens, les coups de fusil et de matraque, les gémissements et les vaines implorations. Je sens l'odeur des cadavres dans les charniers. Derrière les sages façades médiévales, les centaines de maisons à colombages, si sagement alignées dans les rues de la ville, j'imagine une population d'artisans et de petits commerçants besogneux et fiers de leurs jolies petites filles aux longues tresses blondes. Je me demande une fois de plus comment la pourriture fasciste a pu germer et croître dans ce cadre de contes de fées. Je ne confie rien de mes pensées à Klaus, qui ne semble connaître l'histoire de son pays que jusqu'à Bismarck, l'école en étant sans doute responsable. Nous reprenons rapidement la route sous une petite bruine presque chaude en direction d'une réserve naturelle de l'immense land de Lunebourg, s'étendant du nord de Hanovre jusqu'à Hambourg. Doux tapis de bruyère rose et violette, bouquets de bouleaux et de genévriers, pins tordus par les bourrasques, genêts et maigres arbustes, essaims de moutons gris et noirs accrochés au flanc d'une colline, le Wildcederberg. Ce paysage au silence épais et feutré, chanté par le poète et romancier régionaliste très populaire Hermann Löns, un grand défenseur de la nature et des traditions paysannes, à une époque où l'Allemagne s'industrialisait à outrance, invite à la méditation et à l'évocation du monde païen des anciens dieux germaniques. Toujours attiré par les espaces déserts fréquentés aujourd'hui par de rares promeneurs en ciré jaune, je ne peux que me sentir bien sur cette terre mystérieuse, avec ses marais et ses blocs erratiques, ses ruisseaux sauvages et ses villages romantiques. Klaus me montre au loin une énorme ferme en briques rouge et à grosses poutres noires coiffées de chaume, où il venait autrefois en vacances avec ses parents. C'est là qu'il a fait la connaissance de son ami Dieter, fils de paysan au cœur d'or d'après ses dires, celui-là même qu'il a accompagné avec son ami à Bad Mengelsheim pour venir me chercher. Un court instant, j'entrevois les deux blondinets en culottes courtes, folâtrant dans la campagne. Tu sais, on s'amusait à meugler avec les vaches. Elle vous répondait? Bien sûr. Eh, Klaus de meugler longuement, comme si c'était son langage naturel. Ils sont vraiment drôles, ces Allemands. Le soir, nous dînons dans un restaurant chinois de Lunebourg, une ville très provinciale que nous n'avons plus guère l'envie d'explorer. Je ne peux m'empêcher de penser que certains plaisirs petits bourgeois de mon ami me coûtent cher, car c'est moi qui règle la note avec l'argent gagné à la maison de retraite. Je m'inquiète de ce luxe auquel je ne suis pas habituée. À l'hôtel, je me dérobe aux désirs de mon ami. La bonne chère, puis les plaisirs de la chair, sans me dégoûter, me laissent sur ma faim. Est-ce que j'aime vraiment ce garçon? Je n'ose pas lui dire que les fameux préliminaires recommandés partout dans les revues m'embêtent au plus haut point, et j'allègue maladroitement un besoin diffus de spiritualité et de communion cosmique que je ne trouve pas dans l'acte sexuel. Klaus me regarde avec de gros yeux, puis il prend un air boudeur devant ce qu'il considère comme une crise de bonne femme hystérique. Voici que je lui gâte une journée bien commencée. Las, mais profondément contrarié, je décide de faire semblant, de jouer à la femme heureuse que la lande a rendue vaguement mélancolique et mystique. Mais au diable, Wilhelm Reich et sa compagnie, me dis-je, qu'on fiche donc un peu la paix à mon corps. Hier, nous sommes arrivés à Hambourg en fin de matinée. Après une dernière promenade dans la lande de Lunebourg, que j'ai quittée à regret. La lande, c'est le monde d'hier, celui du monde paysan d'Hermann Löns. Et dans le monde d'aujourd'hui, bruyant et fébrile, je ne me sens pas bien à ma place. La pluie battante nous a dissuadés d'aller dans la zone portuaire que j'aimerais bien explorer un jour, car les bateaux m'ont toujours fait rêver. Finalement, nous avons trouvé refuge à la Kunsthalle, le musée de peinture, où nous n'avons pas vu passer le temps. Loin de partager l'enthousiasme de Klaus pour la peinture des expressionnistes allemands, que je trouve le plus souvent sale, triste et violente, je suis profondément touchée par certains tableaux paisibles et harmonieux du XIXe siècle. Le recueillement, l'instant ou parfum d'éternité sont toujours des sujets qui me captivent, tout autant que la précision de l'exécution. Ainsi, le tableau « Trois femmes à l'église » de William Leibl me semble être dans la lignée de la grande tradition allemande, alors qu'un Nolde, par exemple, porté au nu par Klaus sans que je comprenne pourquoi, annonce clairement pour moi la fin de la peinture. Heureusement que nous nous sommes retrouvés à l'unisson devant « Le voyageur contemplant une mer de nuages » de Caspar David Friedrich, mon peintre allemand préféré. Je m'identifie pleinement au personnage, plongé dans la contemplation de Crète au profil torturé, émergeant au loin de masses vaporeuses. Là-bas est l'inaccessible, Dieu sans doute. En tout cas, la grandeur de la nature. Et ici, c'est la solitude et la faiblesse de l'homme, s'appuyant sur son bâton. Friedrich, c'est la représentation de deux mondes séparés, presque étanches, où certains éléments, comme les rochers, émergeant au milieu des nuages, évoquent une possible médiation. Étranger à toute forme de questionnement sur l'au-delà, Klaus, lui, goûte essentiellement l'atmosphère poétique de cette peinture symbolique. Le soir, lors d'une accalmie, Klaus m'a emmené dans le secteur de la Reeperbahn, le pôle incontournable de la vie nocturne où le porno sous toutes ses formes fait recette. Des femmes en vitrine, des sex shops, des boutiques de dessous affriolants, des rabatteurs gouailleurs nous invitant à entrer voir des spectacles de striptease et de débauche en tout genre. Une faune glauque et en rut, regard lubrique, yeux et lèvres humides, face congestionnée, visage où se lisent parfois la honte et la gêne. Triste humanité cosmopolite traînant là sa misère sexuelle au milieu des badauds venus respirer ici l'air des lupanards, des lieux qui ne sont ni de joie ni d'amour. Alors que j'étais accompagnée par un homme qui me serrait la main, je n'ai pu éviter ni les frôlements obscènes, ni les plaisanteries égrillardes. Qu'est-ce que je faisais là? Très vite, j'ai demandé à rentrer à l'hôtel, où nous avons dormi dans deux lits séparés. Nous voici aujourd'hui à Lübeck, l'ancienne capitale de la Ligue hanséatique, qui regroupait autrefois les grandes villes portuaires de l'Europe du Nord et de la Baltique. Les anciens entrepôts où l'on stockait le sel en provenance de Lunebourg paraissent d'autant plus lugubres qu'il pleut des cordes une fois de plus. Pourrais-je vivre dans un tel pays sous un ciel si souvent plombé, moi qui ne connais que les légers et hauts nuages de ma région natale, poussés vivement par le vent d'ouest? Pourtant, comment rester insensible à ce gothique de briques typique qui se marie à merveille avec les éclats métalliques des canaux et de la trave cernant la vieille ville que nous découvrons en partant de la Holsteintor, une porte fortifiée aux tours jumelles, emblème de la ville, hôtel de ville noir et vernissé aux murs ajourés, église élancée, curieux fronton en escalier des maisons bourgeoises, un décor complètement exotique. Je suis très émue de me retrouver soudain devant la maison patricienne de la famille Mann, qui a donné de nombreux écrivains. Heinrich, Thomas, Gulow, Klaus, je contemple avec intérêt l'imposante façade baroque où se lit la culture raffinée d'une très longue lignée de riches négociants. Derrière, depuis les bombardements de la dernière guerre, c'est le vide, symbole de l'histoire allemande faite du meilleur et du pire. C'est ici que Thomas Mann, au style concis et dense, a situé l'action de son célèbre roman « Les Buddenbrook » que j'ai dévoré l'année dernière. Une saga relatant l'histoire de sa famille sur 4 générations. J'ai tout de même préféré Tonio Kröger et La mort à Venise, qui furent les premières œuvres que j'ai lues en allemand de cet auteur. Suite à une nouvelle averse, nous nous réfugions dans une église d'où un sacristain nous chasse en hurlant au sacrilège parce qu'il vient de nous surprendre en train de nous bécoter dans le cœur de l'église. Dieu, s'il existe, en est-il si fâché? Après nous être gavés de massepain, la spécialité de la ville, nous décidons de rentrer à Brunswick, où la vie sera moins chère qu'en voyage. Nous faisons bien de toute façon, car le vieux taco de Klaus rend son dernier soupir devant la maison de Madame Falk. Il va me falloir une autre bagnole. Comment je vais faire pour transporter mes cartons à dessein? Je hausse les épaules. Eh bien, tu prendras le bus? Andreas nous rejoint souvent dans la brasserie de Brunswick où nous retrouvons régulièrement l'ami Karl. Ce gentil garçon a l'air très doux, un peu efféminé, étudiant en droit, passionné comme moi par l'art et la littérature, a évoqué fréquemment son amie Agnès de Lausanne, avec laquelle il est en relation épistolaire depuis 5 ou 6 années. Elle a décidé d'apprendre l'allemand pour lire dans le texte Thomas Mann qu'ils vénèrent tous les deux. Aujourd'hui, le jeune homme nous confie ses inquiétudes. Cela fait un bon mois qu'elle ne m'a pas donné signe de vie. Karl, toi qui l'as vu début juillet, sais-tu s'il lui est arrivé quelque chose? Elle va très bien, ne t'en fais pas. Je parie que tu me l'as fauchée. Je n'aurais pas dû te donner son adresse. Fauchée n'est pas le mot, et elle est bien libre de faire ce qu'elle veut. Andreas, tu ne l'as pas demandé en mariage, à ce que je sache? Je vois, j'ai compris. Elle est perdue pour moi. Karl, tout rouge, lisse sa moustache. Nous nous entendons bien. Nous n'avions plus grand-chose à nous dire de toute façon. Nous aimions surtout les mots. Je ne l'ai jamais touché. Tu as peur des femmes à ce point ? Demande Klaus. Je pense être incapable de rendre une femme heureuse, tout comme mon père. Tiens, si on allait chez moi, ma mère sera heureuse de faire votre connaissance. Dans un quartier huppé, assez éloigné du centre-ville, nous nous arrêtons devant un immeuble typique de l'époque bismarckienne. J'avoue être très curieuse de voir de près un intérieur bourgeois, mais un rapide coup d'œil sur le jardinaire rempli de mauvaises herbes et de potiches cassées me fait craindre une déception. Dans le hall d'entrée, des chaussures éparpillées et des vêtements jetés sur des chaises et les marches de l'escalier menant à l'étage. Nous rentrons dans une salle au plafond très haut, avec d'immenses fenêtres sans rideaux. La peinture cloquée et l'ameublement réduit à sa plus simple expression témoigne d'un désintérêt complet de la famille pour les choses du quotidien. Madame Grossman, assise dans un fauteuil au milieu de la pièce, avec un livre sur les genoux, nous salue d'une voix sirupeuse. Arrive peu après Gert, le frère aîné d'Andreas, âgé d'une petite vingtaine d'années, et Wilma, sa sœur, qui doit avoir dans les 16 ou 17 ans. Nous prenons tous place par terre sur un tapis oriental et limé. J'étais en train de lire La mort à Venise que m'a chaudement recommandé mon cher Andreas. Une lecture sublime, la beauté à l'état pur. Un sexagénaire en costume gris, bon tripotant et au crâne dégarni, qui se tient à l'écart près de la porte, les mains dans les poches de son pantalon, nous salue de la tête. « Tiens, nous avons la visite de Kätchen, » lance Gert. « Kätchen, petit chat en allemand, » un surnom normalement affectueux, est prononcé par la dame du bout des lèvres d'un ton méprisant. « C'est le père, » me chuchote Andreas, assis à côté de moi. « Oui, » dit la maîtresse de maison qui doit avoir l'oreille fine, « j'étais assez imbécile pour épouser ce monsieur, qui, lui, n'a pas eu le courage de quitter l'Allemagne en 1933, comme Thomas Mann et ses frères. La pluie de quolibets qui s'abat d'un coup de toutes parts sur le pauvre homme, réduit à la position d'animal domestique dont on tolère à peine la présence, me glace. Pourquoi ne fuit-il pas? Quelle passivité! Quel pacte a-t-il conclu avec son épouse aigrie et haineuse pour supporter tant d'irrespect et de méchanceté de la part des uns et des autres, même d'Andreas, si humain par ailleurs? Je trouve répugnant et profondément indécent de traiter ainsi un proche devant des étrangers. Les deux frères me semblent aduler leur mère, au point d'en être visiblement infectés dans leur vie sentimentale. Geert, étudiant en médecine, assez beau, dynamique et ambitieux, raconte sans embâche qu'il sort pour des raisons hygiéniques avec une certaine Birgit. Maman ne sera donc pas détrônée dans son cœur. Idem pour Andreas, que je soupçonne de ne pas oser s'avouer à lui-même que ses désirs vont dans une autre direction que le sexe féminin. De son ton mielleux qui m'horripile, Madame Grossman nous convie à manger un morceau de gâteau que Wilma vient de poser sur une chaise. Des propos politiques radicaux fusent, sans aucun doute contraire aux idées du mari banquier dont on peut supposer qu'il n'est pas très favorable aux frères ennemis de l'Est. « Il faudrait faire sérieusement le ménage dans notre démocratie !» s'exclame Geert. « Mais enfin, mon fils, tu sais bien que ce sont les mêmes qui sont restés au pouvoir, à recommencer par Kissinger, notre chancelier actuel, et Madame Grossman de citer un tel et encore un tel. En me retournant vers la porte, je m'aperçois que son époux a disparu. J'accompagne à la cuisine Wilma, qui y apporte la vaisselle sale. Je demande à la jeune fille un peu simplette et bègue, de surcroît, la moins vindicative à l'égard de son père, pourquoi ce dernier est manifestement laissé de côté. Elle a un mouvement évasif de la main. Ils font chambre à part, ne se parlent pas, ne mangent pas ensemble. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être à cause de moi. Tu es choquée par notre attitude? Oui, je l'avoue. Dehors, Karl nous dit. Andreas a entamé une procédure pour changer de nom. Son père a sans doute fait des choses pas très propres sous la dictature. Y a-t-il une action en justice intentée contre lui? Pas que je sache, Clotilde. Si on veut que l'Allemagne reparte, on ne peut pas mettre la moitié des Allemands en tôle, comme dit mon père. Madame Grossman ne savait sans doute rien du passé du père de ses enfants quand elle l'a épousé. Elle reste auprès de lui par la force des choses, sans doute pour des raisons économiques, son mari étant banquier. Elle n'obtiendrait peut-être pas le divorce, alors elle ne s'occupe plus que de ses enfants, et elle laisse aller tout à volo dans la maison. « Tu romances, » dit Klaus. Le car nous mène à Erzberg, une petite ville située non loin de la Balave coupant l'Allemagne en deux. Après la traversée sous un ciel de plomb de la vaste zone industrielle de Salzgitter, coiffée de ses hauts fourneaux, nous longeons l'ouest de Harz au relief tourmenté où s'accrochent des nappes de brouillard dans les forêts ténébreuses. Non loin de l'hôtel de ville de Herzberg se trouve la grande pharmacie où habite Wolf, l'ami de Klaus, occupé en ce samedi après-midi à donner un coup de main à sa mère dans une arrière-salle. Il nous invite à monter à l'étage où vit la famille. Une famille toute petite puisque Wolf est fils unique, héritier d'une longue ligne d'apothicaires. Dans ce cadre cossu où les livres reliés s'alignent en jolis rayons autour du salon, il possède déjà non seulement tout ce dont un être humain peut rêver matériellement, mais l'accès aux grands classiques de la culture allemande est à portée de main. Je ne sais plus où les deux garçons se sont connus et ce qui les a amenés à sympathiser. Alors que Klaus est avant tout tourné vers la création dans les arts plastiques, Wolf déclare poursuivre sans grand enthousiasme des études de pharmacie à Göttingen afin de reprendre plus tard l'affaire familiale. S'il avait choisi la littérature comme il en avait eu un moment l'intention, il se serait senti déloyal vis-à-vis de ses parents et de ses aïeux. « Tu gagneras plus d'argent en tant que pharmacien, » dit Klaus. « Rien ne t'empêche de lire dans tes moments de loisirs. » Espérons. Ce sont Goethe et Heinrich Heine, grands amoureux du Harz qui m'ont donné le goût des livres et de ma région si sauvage. Malheureusement, comme tu le sais sûrement, Clotilde, nous nous heurtons très vite aujourd'hui à une barrière infranchissable. Oui, je sais, j'ai déjà vu plus au sud un village coupé en deux de part et d'autre d'un pont couvert d'herbes folles. On avait condamné une maison car elle était à cheval sur la frontière. C'est là que s'est ancré en moi mon intérêt déjà très vif pour l'histoire. Si tu veux, nous irons demain du côté de Braunlage, d'où on aperçoit le Brocken, situé maintenant en RDA. Volontiers. La maman de Wolf arrive, vive et bavarde, s'excusant presque aussitôt de ne pouvoir rester avec nous, car elle va rejoindre son mari dans un petit village des environs, d'où ils vont partir le lendemain pour une grande randonnée dans le massif du Würmberg. Le Würmberg, c'est le plus haut sommet de ce côté-ci, presque 1000 mètres. Un peu plus bas que le Brocken de 1141 mètres, la montagne des légendes que ceux d'en face nous ont volé. Au fait, vous trouverez de la bonne charcuterie dans le frigo et pour demain matin, je vous ai confectionné 2 tartes aux pommes. Maintenant, je vais vous montrer votre chambre. Le soleil faisant soudain coucou vers 7 heures du soir, nous décidons d'aller faire un petit tour dans la ville. Une voiture de sport rouge est garée juste devant la pharmacie. Si je pouvais en avoir une comme ça! Quelle ligne épurée! S'exclame Klaus en caressant la carrosserie des yeux et de la main. C'est la tienne, je suppose. Mes parents m'ont offert ce petit bijou pour mon anniversaire, répond Wolf qui ouvre la porte du conducteur. Tu peux jeter un coup d'œil à l'intérieur. Klaus s'assied derrière le volant, contemple avec admiration le tableau de bord sophistiqué et palpe les fauteuils en cuir fauve. Et voici les 2 lascars partis sur leur trottoir dans des considérations me faisant penser que le goût pour les bagnoles est peut-être ce qui les rapproche. Alors que pour moi, une voiture doit permettre de se déplacer d'un endroit à l'autre, un point c'est tout. Pour beaucoup d'Allemands, la voiture semble être l'objet traduisant au mieux la réussite sociale qu'on ne craint pas d'afficher. Nous déambulons ensuite dans les rues pittoresques dominées par un énorme château aux longues rangées de fenêtres qui donnent l'impression de veiller sur la population vivant en contrebas. Dans cette petite ville, on doit se sentir comme dans un cocon, me dis-je. J'ai faim! Si on allait manger, déclare Wolf. Je vous invite dans une auberge très réputée. Ce n'est pas de refus, répond Klaus. Tout en dégustant mon escalope panée, j'observe avec attention Wolf qui dégage l'arête centrale de sa truite avec une dextérité de gentleman. Il a déjà un peu d'estomac ainsi que le muscle flasque, si bien que l'on peut facilement imaginer sa physionomie dans 30 ou 40 ans. Il n'a rien de jeune, rien de bien vivant, malgré ses belles boucles blondes, son teint frais et ses 22 ans. Ses vêtements bien coupés lui donnent cependant beaucoup d'allure et dénotent une grande aisance financière, ce qui n'est sûrement pas pour déplaire à certaines dames pouvant en bénéficier. Sorties au restaurant et au cinéma, week-end de tout frais payé et bien d'autres choses encore. Demain matin, nous irons chercher Angelica, et nous ferons un tour du côté de la frontière, comme convenu, avant de partir pour Strasbourg, où tu dois prendre le train pour rentrer chez toi, Clotilde. Elle habite Osterod, pas très loin d'ici. Pourquoi n'est-elle pas avec nous ce soir? J'aime autant que l'on ne nous voit pas ensemble. Ici, tout le monde se connaît. Et puis, pas question qu'elle dorme à la maison. Au petit déjeuner, nous dévorons jusqu'à la dernière miette les 2 tartes de la mère Wolf. Préparons des sandwichs avec de la charcuterie trouvée dans le frigo, puis nous filons jusqu'à Osterod, où Angelica nous attend devant l'hôtel de ville. La jeune fille monte à mes côtés avec une petite valise à la main. Yeux et cheveux noirs, forme pulpeuse, un air ouvert et chaleureux qui me la fait prendre de suite en amitié. Elle est vendeuse dans un magasin de vêtements, me raconte-t-elle. Ce qui lui plaît dans son boulot, c'est le contact avec les clientes, la gentillesse de ses patrons et la possibilité de s'acheter des vêtements à des prix intéressants. Son père, lui, travaille dans une usine de sous-traitance pour les usines Volkswagen de Salzgitter. La maman est mère au foyer, comme beaucoup de femmes allemandes. Son frère de 15 ans fréquente le lycée alors qu'elle n'a montré aucun goût pour les études et même pas achevé son apprentissage de coiffeuse. Elle a fait la connaissance de Wolf l'année dernière lors de la célébration de la fête de Walpurgis à Erzberg. De son côté, ce fut un coup de foudre, continue-t-elle, en jetant un regard langoureux sur la nuque du jeune homme dont toute l'attention est concentrée sur la route. Oui, elle le sait, ils ne sont pas du même milieu, chuchote-t-elle à mon oreille en tournant sa bouche d'une drôle de façon. Il ne la présentera jamais à sa famille, il ne l'épousera pas, car il se gardera d'une mésalliance avec une fille d'ouvrier, ne cesse de lui marteler son père. Oui, il faut bien qu'elle se le rende dans le crâne. Pour Wolf, leur relation actuelle est douce, mais avant tout physique, elle en est bien consciente. Ils passent de bons moments ensemble, elle découvre avec lui des lieux où elle n'a jamais mis les pieds, des musées, des châteaux, un tas de vieilles villes du Harz, avec leurs maisons à colombages si romantiques. Elle est bien contente d'aller avec nous à Strasbourg dans quelques heures. Ce sera sa première incursion en France. Nous arrivons une demi-heure plus tard dans une petite localité où nous garons la voiture devant une école. Wolf nous conduit vers un sentier sinuant dans la forêt d'épicéa jusqu'à une falaise d'où nous pouvons jouir d'une vue panoramique. À nos pieds, un rideau de barbelés serpente en épousant le relief tourmenté le long d'un ruisseau qui clapote indolemment. De l'autre côté de cette barrière, derrière une bande de terrain complètement essartée, les yeux invisibles épinent au moindre geste du haut d'un mirador, au loin des chiens aboient. J'ai beaucoup de mal à exprimer ce que je ressens dans ce cadre si paisible, sous un ciel pour une fois sans nuages. De l'ulcération devant la bêtise et la méchanceté des hommes, je crois. Je suis saisie par le long silence méditatif des trois jeunes Allemands. Mes grands-parents maternels habitent un petit village à quelques kilomètres à vol d'oiseau, dit Wolf d'une voix à peine audible. Ils ont le droit de venir nous voir de temps en temps parce qu'ils sont retraités, mais ils doivent faire un grand détour par la poste frontière de Helmholtz-Marienborn à Songborn au nord. Mon cousin de Halle, Peter, je ne l'ai jamais rencontré. Mes trois tantes vivent en face à Wernigerode, murmure Angelica. Je ne connais pas leurs enfants. Wernigerode, il paraît que c'est une très jolie petite ville, d'après mes parents. Comme j'aimerais y aller, dis-je. Wernigerode est un nom qui chante, non? Tu dis n'importe quoi. Ce pays est une prison, rétorque Klaus. Toi, tu répètes bêtement ce qu'on serine à l'ouest. Au loin, vers le nord, le Brocken a l'air tout à fait inoffensif avec son dos rond. Goethe et Heinrich Heine doivent se retourner dans leur tombe, eux qui ont tellement aimé arpenter ce pays de légendes, susurre Wolf. Les sorcières ne viennent plus célébrer leur Shabbat avec le diable lors de la fête de Walpurgis sur notre chère montagne, truffée aujourd'hui de tours d'espionnage d'un côté et de l'autre. Cette bande de la mort, comme nous l'appelons, est pour nous une profonde plaie interne dont nous ne guérissons pas. Longtemps, nous restons à regarder un vol de corbeau qui voltige au-dessus des toits d'un village à quelques centaines de mètres de là. Sur le chemin du retour, Wolf et Klaus s'insurgent contre les barbares de l'Est, alors qu'Angelica rejette leur position si tranchée avec violence. « On sait que vous êtes tous des cocos chez toi, lance Wolf, mais vas-y, vas-y de l'autre côté, personne ne t'empêche d'y aller. »« Sale petit bourgeois, je suis né ici, de ce côté, et j'y reste. » Oui, nous sommes fiers d'être communistes dans la famille. Le frère de mon père est mort dans un camp près de Chemnitz. Nous ne sommes pas prêts de l'oublier. Chemnitz, ah, Chemnitz, ma ville natale. C'est surréaliste pour moi d'être né dans ce pays inaccessible, murmure Klaus. C'est comme si je venais d'une autre planète. Bon, restons calmes, conclut Wolf. Nous avons encore 500 kilomètres jusqu'à Strasbourg. Nous avons filé sur l'autoroute à plus de 180 km à l'heure vers l'Alsace, sans avoir l'impression de faire de la vitesse. On éprouve indubitablement un sentiment de puissance grisant. Le confort de la voiture de sport est exceptionnel, mais je n'avais pas l'impression de vivre une aventure comme dans le vieux taco de Klaus. Il faut dire qu'il n'y avait rien de spécial à voir. J'ai essayé d'orienter la discussion avec Angelica sur un sujet qui m'intéresse. « Dis, vous êtes vraiment tous communistes dans votre famille ?»« C'était chez nous une tradition de père en fils depuis le lendemain de la Première Guerre mondiale. Mais le militant le plus acharné, c'était le frère aîné de mon père qui a été arrêté en 1933 après avoir distribué des tracts dans son usine. On ne l'a jamais revu. C'est seulement après 1945 que nous avons appris sa mort dans le camp de Sachsenburg qui a été le premier lieu d'internement pour opposants politiques. Comment avez-vous vécu cela dans la famille? Mes grands-parents se sont enfermés dans un lourd silence. Mon père, lui, fuyait aussi souvent que possible avec son chien dans la montagne. Mais il n'a pas pu échapper aux séances d'embrigadement obligatoires des jeunesses hitlériennes. Après, il a été envoyé en 1939 en Pologne, en Grèce et en France, alors que les bombes britanniques et américaines commençaient à pleuvoir sur notre pays. Il se forçait à cultiver un genre taciturne et évitait toute discussion avec ses compatriotes. Il a fermé les yeux dans bien des situations compromettantes pour les juifs et des résistants. D'ailleurs, il avait à Paris des contacts secrets avec un groupe français marxiste internationaliste. Je vois mal comment il pouvait avoir des accointances avec des Français en temps de guerre. Habillé en civil, avec ses cheveux aussi noirs que les miens, pas très grands, il n'avait pas le profil germanique. Parle-t-il souvent de ce sinistre passé ? Rarement. Parfois pour dire qu'on lui a volé sa jeunesse, qu'il n'avait le choix de rien et que notre génération pousse dans le sens inverse avec ses slogans du genre « Il est interdit d'interdire ». Dis-moi, la politique t'intéresse ? Forcément. Dans notre quartier, par exemple, il n'y a pas un voisin qui n'a pas un parent de l'autre côté. C'est le cœur déchiré que nous apprenons de temps à autre que des jeunes gens se sont fait descendre en tentant de franchir les barbelés. Et ta maman, comment vit-elle tout cela? Elle dit souvent que les femmes, à l'Est, ont une situation plus enviable que chez nous. Les crèches, les écoles maternelles, leur permettent de travailler et de s'investir dans la société. C'est ce que lui racontent en tout cas dans leur lettre ses trois sœurs de Wernigerode. Ici, en RFA, la devise c'est encore Kinder, Küche, Kirche. Enfant, cuisine, église, comme sous le Troisième Reich. Et toi, tu aimerais perpétuer ce mode de vie traditionnel? Pas question. Je veux continuer à travailler. Mais notre vie dans notre milieu est étroite, très étroite. Il nous manque l'argent et la culture. Nos sorties, c'est le Harz, toujours le Harz. Les promenades, le ramassage des champignons, des mûres, des myrtilles, le carnaval, la nuit de Walpurgis, le cinéma aussi de temps à autre. Wolf m'a ouvert la voie à autre chose, même s'il aime lui aussi arpenter notre montagne pour enrichir ses herbiers. Depuis que je fréquente un autre monde grâce à lui, j'ai le sentiment de trahir ma couche sociale. Je ne me sens bien nulle part. Je comprends parfaitement ce que tu ressens. Un fossé immense s'est creusé aussi entre mes parents et moi. Je vois bien qu'ils en souffrent car nous n'avons vraiment pas grand-chose à nous dire. Ils reçoivent Klaus chez eux? Oui. J'ai amené à la maison plusieurs étrangers avec lesquels j'échangeais des lettres pendant mon adolescence. Ils ont toujours été bien accueillis. Mon père me parlait parfois d'Amérique quand j'étais petite, et je sais qu'il rêve d'aller un jour en Russie. Ma mère, elle, juge que son manque d'instruction lui ferme à jamais toutes les portes. Elle préfère rester dans l'entre-soi avec sa famille et tire mon père en arrière. Après notre dernière nuit dans un petit hôtel strasbourgeois, douce mais mélancolique, nous flânons ce matin dans les rues de la capitale alsacienne sous un ciel maussade. Angelica s'intéresse mollement aux beautés du centre historique, rappelant celles des petites villes du Harz par bien des aspects, notamment les maisons à colombages. « Sommes-nous bien en France ? » s'exclame-t-elle soudain. Je ne saurais lui donner tort, car mon sentiment est le même. Goethe, natif de Francfort, qui a fait ses études à Leipzig et ici, en 1770 et 1771, ne devrait pas s'y sentir étranger, explique Wolf, qui a l'air de connaître par cœur la vie de l'écrivain. Remplie de colère envers elle-même et son amie, la jeune fille marche longtemps derrière les deux garçons à mes côtés. Pourquoi la laisse-t-il dans l'illusion de l'amour avec sa tendresse et ses mots doux? Ne se rend-il pas compte combien il lui fait mal en la poursuivant d'assiduité son lendemain? Pourquoi, sachant tout cela et en souffrant, ne parvient-elle pas à se détacher de Wolf? Ce n'est pas une fille facile, uniquement intéressée par les plaisirs divers qu'il lui offre. Elle s'est tout simplement attachée à lui, comme je le suis à Klaus, bien que d'une autre manière. J'écoute ses plaintes en silence et essaye de l'amener à d'autres réalités, en l'interrogeant encore une fois sur son travail et celui de son père. L'œil noir d'Angelica s'adoucit et elle finit par reprendre la main de son bien-aimé dans un silence morne. Les trois jeunes gens me déposent à la gare vers 5 heures du soir. À bientôt, Clotilde. Je reviendrai à Noël. Au revoir, Liebling. Que les mots d'amour sont beaux en allemand. Je ne suis pas sûre d'être heureuse de regagner ma ville tout en grisaille. Au revoir, l'Allemagne. La vieille Allemagne poétique que je ne peux m'empêcher d'aimer. Celle-là même qui fut le terreau des pires atrocités humaines.